Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 14. Du conseil qui précède l'élection. Le conseil est une recherche sur ce qu'il importe de faire, il procède suivant un ordre analytique, il s'arrête à un terme. 1. Le conseil est-il une recherche? Le conseil, dit saint Grégoire de Nice, est une question, mais toute question n'est pas le conseil. Dans les choses douteuses, la raison ne porte pas de jugement sur ce qu'il faut choisir sans se livrer à une recherche préalable qui reçoit le nom de conseil. 2. Le conseil a-t-il pour objet la fin ou seulement les moyens? La fin, dans les actions, est un principe. On ne met pas les principes en question. Dans tout conseil, la fin est supposée. Toutefois, ce qui est fin dans une recherche peut être considéré comme moyen dans un autre, et devenir, à ce nouveau titre, l'objet du conseil. 3. Le conseil a-t-il seulement pour objet nos propres actions? Le conseil, dit saint Grégoire de Nice, ne porte que sur ce qui dépend de nous et sur ce que nous pouvons exécuter nous-mêmes. Nous ne nous livrons, en effet, à la recherche du conseil qu'à cause de l'utilité que nous en devons retirer dans les actions que nous faisons ou que nous pouvons faire en vue d'une fin. Nous consultons sur nos affaires particulières qui sont contingentes, mais non pas sur les choses universelles et nécessaires. Conséquemment, il faut dire que le conseil a seulement pour objet nos propres actions. Note. Les actions des autres ne sont l'objet de notre conseil que tant que des liens d'affection ou d'utilité nous unissent à eux. Nous prenons conseil sur ce qui regarde nos amis et nos serviteurs, mais, au fond, le conseil se rapporte toujours à nos actions. Fin de la note. 4. Le conseil a-t-il pour objet tout ce que nous faisons? Non, il a seulement pour objet les choses sur lesquelles nous avons des doutes. La raison ne cherche pas dans celles qui sont évidentes, elle les juge immédiatement. C'est pourquoi on ne consulte point dans les deux cas suivants. Premièrement, lorsque, par des procédés déterminés, on arrive à des fins déterminées, par exemple, dans les arts, où l'exécution est fixée d'avance. L'écrivain ne cherche pas comment il va former les lettres. Secondement, lorsqu'il est peu important que la chose se fasse de telle manière plutôt que de telle autre pour la fin que l'on se propose. Les choses de peu d'importance sont regardées comme nulles par notre raison. Note. Pour ce qui est des arts, il faut accepter ceux qui procèdent par conjecture, comme le commerce, la médecine, etc. Fin de la note. 5. Le conseil procède-t-il d'une manière analytique? Celui qui prend conseil, a dit le philosophe, paraît chercher et résoudre. La recherche du conseil part effectivement de la fin à venir, pour arriver à une conclusion pratique. La raison, dans ce but, fait la revue des opérations qui peuvent aider à l'acquisition de la fin. Qu'est-ce autre chose que suivre le procédé analytique ou résolutif, afin de décider ce que l'on doit faire présentement? 6. Le conseil procède-t-il indéfiniment? Personne ne consulterait, s'il fallait se livrer à des recherches sans fin. Le conseil est limité, d'abord, du côté de son principe, qui consiste dans un but qu'il n'a pas même pour objet, ensuite, du côté de son terme, qui consiste à déterminer ce qui est possible et convenable dans le moment présent. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.